me suis décidé un matin, en me levant du mauvais pied, en toussant encore une fois, je vais arrêter de fumer. La buraliste va me regretter. J'étais devenu son meilleur client. Je lui prendrai plus mon tabac à rouler, dont je cache la marque évidemment, disant non-stop de nicotine. Mon cerveau va se mettre à gueuler, mais mes poumons feront meilleure mine. Ils ne seront plus enfumés, c'est promis. C'est aujourd'hui que je prends ma dernière cigarette. Je me suis condamné à vivre comme ceci. Je me suis pris la main sur le fait. C'est promis, c'est aujourd'hui que je prends ma dernière cigarette. Je me suis condamné à vivre comme ceci. Je me suis pris la main sur le fait. Ça fait 3 jours que j'y touche plus. Mes mains se sont mises à trembler. Je gueule tout le temps sur mon toutou, qui ne peut pourtant rien se reprocher. En plus, j'ai eu l'idée de faire un pari avec la voisine d'à côté. Elle est mignonne, tout est permis. Mais franchement, quelle drôle d'idée. À celui qui reprendra en premier de nos seconds du tabac à rouler, on va reprendre ensemble à se pourrir les poumons jusqu'au dernier soupir. C'est promis, c'est aujourd'hui que je prends ma dernière cigarette. Je me suis condamné à vivre comme ceci. Je me suis pris la main sur le fait. C'est promis, c'est aujourd'hui que je prends ma dernière cigarette. Je me suis condamné à vivre comme ceci. Je me suis pris la main sur le fait. Ça y est, c'est terminé. J'ai repris la cigarette ce matin, en me levant tout content du bon pied. Après une superbe nuit de câlin, la voisine, qui ne l'est plus, m'a immédiatement convaincu. Mais pour la date, c'est une autre histoire. Je vais attendre que mes poumons soient noirs.